Genèse chapitre 44. Et Joseph commanda à son maître d'hôtel, en disant, remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et remets l'argent de chacun à l'ouverture de son sac, et même à coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus petit, avec l'argent de son blé. Et il fit comme Joseph lui avait dit. Le matin, dès qu'il fut jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Et lorsqu'ils furent sortis de la ville, avant qu'ils fussent fort loin, Joseph dit à son maître d'hôtel, « Va, poursuis ces hommes, et, quand tu les auras atteints, dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas la coupe dans laquelle mon Seigneur boit, et par laquelle très assurément il devinera? C'est mal fait à vous d'avoir fait cela. » Et il les atteignit, et leur dit ces mêmes paroles. Et ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi? À Dieu ne plaise que tes serviteurs aient fait une telle chose. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Chanaan l'argent que nous avions trouvé à l'ouverture de nos sacs, et comment déroberions-nous de l'argent, ou de l'or de la maison de ton maître? Que celui de tes serviteurs à qui on trouvera la coupe, meure, et nous serons aussi esclaves de mon Seigneur. Et il leur dit, qu'il soit fait maintenant selon vos paroles, qu'il soit ainsi, que celui à qui on trouvera la coupe, me soit esclave, et vous serez innocents. Et incontinent chacun posa son sac en terre, et chacun ouvrit son sac. Et il fouilla, en commençant depuis le plus grand, et finissant au plus petit, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, et chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Et Judas vint avec ses frères en la maison de Joseph, qui était encore là, et ils se jetèrent devant lui en terre. Et Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme tel, que moi ne manque pas de deviner? » Et Judas lui dit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous, et comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes esclaves de mon Seigneur, tant nous que celui dans la main, auquel la coupe a été trouvée. Mais il dit, à Dieu ne plaise que je fasse cela. L'homme en la main duquel la coupe a été trouvée, me sera esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de lui, en disant, hélas, mon Seigneur, je te prie, que ton serviteur dise un mot, et que mon Seigneur l'écoute, et que ta colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur interrogea ses serviteurs, en disant, avez-vous père, ou frère? Et nous répondîmes à mon Seigneur, nous avons notre père qui est âgé, et un enfant qui lui est né en sa vieillesse, et qui est le plus petit d'entre nous, son frère est mort, et celui-ci est resté seul de sa mère, et son père l'aime. Or tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi, et je le verrai. Et nous dîmes à mon Seigneur, cet enfant ne peut laisser son père, car s'il le laisse, son père mourra. Alors tu dis à tes serviteurs, si votre petit frère ne descend avec vous, vous ne verrez plus ma face. Or il est arrivé qu'étant de retour vers ton serviteur, mon père, nous lui rapportâmes les paroles de mon Seigneur. Depuis, notre père nous dit, retournez, et nous achetez un peu de vivres. Et nous lui dîmes, nous ne pouvons y descendre, mais si notre petit frère est avec nous, nous y descendrons, car nous ne saurions voir la face de cet homme, si notre jeune frère n'est avec nous. Et ton serviteur, mon père, nous répondit, vous savez que ma femme a enfanté deux fils, dont l'un s'en est allé d'avec moi, et j'ai dit, certainement il a été déchiré, et je ne l'ai point vu depuis, et si vous emmenez aussi celui-ci, et que quelque accident mortel lui arrive, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. Maintenant donc, quand je serai venu vers ton serviteur, mon père, si l'enfant, dont la main liée étroitement avec la sienne, n'est point avec nous, il arrivera que, aussitôt qu'il aura vu que l'enfant ne sera point avec nous, il mourra, ainsi tes serviteurs feront descendre avec douleur, les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, au sépulcre. De plus, ton serviteur a répondu de l'enfant pour l'emmener de près de mon père, en disant, « Si je ne te le ramène, je serai toute ma vie sujet à la peine envers mon père. Ainsi maintenant, je te prie, que ton serviteur soit esclave de mon seigneur, au lieu de l'enfant, et qu'il remonte avec ses frères, car comment remonterai-je vers mon père, si l'enfant n'est avec moi ? Que je ne vois point l'affliction qu'en aurait mon père.